Licenciement disciplinaire. Un salarié a été licencié pour faute grave en raison des menaces et injures proférées sur le répondeur du téléphone d'un collègue à cause d'une dette d'argent contractée à l'occasion d'un événement organisé par l'entreprise. Pour sa défense, l'intéressé faisait valoir que les faits concernaient un litige personnel ne pouvant pas faire l'objet d'une sanction de l'employeur. La Cour de cassation n'a pas suivi cet argument. En effet, les messages de menace avaient été laissés par le salarié sur le téléphone professionnel de son collègue durant son temps de travail. De plus, ces menaces avaient eu pour effet de fortement perturber la victime dans son travail, affectant l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur. La Haute Cour a donc approuvé les juges du fond qui ont considéré que les faits se rattachaient à la vie professionnelle du salarié et pouvaient être sanctionnés d'un licenciement disciplinaire.